Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. France Inter. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Ludwig van Beethoven, un compositeur de génie face à la surdité. Comment expliquer que depuis toujours et aujourd'hui encore, Beethoven occupe une place à part dans l'histoire de la musique, figure par excellence de l'artiste romantique, à l'image de ce portrait de lui peint en 1820. Un homme mûr, la chevelure en bataille, le regard sombre et intense tourné vers des vérités inaccessibles aux communs des mortels, un crayon à la main, prêt à les transcrire sur une partition pour les offrir à ses frères humains. De son vivant déjà, le compositeur révolutionnaire qui bouleverse son auditoire et excelle dans tous les genres musicaux fait l'objet d'un véritable culte. On collectionne les mèches de ses cheveux ou des bouts de ses partitions écrites de sa main. Mais cet artiste, à l'énergie en apparence sans bornes, est aussi un homme tourmenté, frappé à l'âge de 27 ans d'un mal, le pire pour un musicien et qui ne cessera d'empirer, la surdité. Pourtant, Beethoven réussira le tour de force de ne jamais cesser de composer. Lui qui a voué sa vie à la musique pour le plus grand bonheur de l'humanité. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Elisabeth Brisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne. Qu'est-ce qui a amené l'historienne que vous êtes à enquêter et à écrire plusieurs livres sur Beethoven ? L'amour de la musique, en premier. Oui, l'amour de la musique. J'ai baigné dans cette musique, dans cette écriture d'un Beethoven par les Massins, qui étaient les meilleurs amis de mes parents. Et ensuite, j'ai voulu faire une thèse en histoire et j'ai été trouvé Vidal Naquet pour faire une thèse de l'histoire de l'histoire. L'histoire de l'histoire, et comme je voulais associer la musique et Beethoven, que j'avais un peu travaillé toute seule sur Fidelio, je lui ai proposé de faire une thèse sur les références à l'Antiquité chez Beethoven. Alors, l'histoire que je vais raconter dans un instant se déroule en 1802. Beethoven, né en 1770, a donc maintenant 32 ans. Il vit à Vienne, sa ville d'adoption, sa patrie de cœur aussi, où il vivra jusqu'à sa mort. Alors, pouvez-vous, Elisabeth Brisson, nous rappeler les débuts de Beethoven, justement avant 1802? Beethoven est né en 1770, en décembre 1770, à Bonn, qui était une ville, qui est toujours une ville d'ailleurs sur le Rhin, mais c'était pas du tout une petite ville anodine, c'était une ville qui était la résidence des princes électeurs de Cologne. Si bien qu'il y avait un palais et qu'il y avait une cour avec un orchestre de la cour. Une vie musicale assez intense. Une vie musicale intense, une bibliothèque musicale qui n'a cessé de se compléter. Donc il était très au milieu des musiciens, son grand-père ayant été maître de chapelle, mais il est mort quand Beethoven avait 3 ans, son père était chanteur, donc on pourrait dire un enfant de la balle. Il a vécu dans la musique. Et il vit dans un milieu ouvert aux idées nouvelles. Et alors, très tôt, il rencontre une famille qui est une famille à Bonn, qui effectivement partage des idées complètement des Lumières. Et il révèle très tôt, le jeune Ludwig, des talents musicaux, d'abord comme pianiste. Oui, très tôt. Alors son père a voulu le montrer quand il avait 6 ans, faire un petit Mozart, puis ça n'a pas marché en fait. Mais il a vite compris qu'il fallait lui donner d'autres maîtres. Et là, il a rencontré le directeur musical d'un théâtre qui s'installait à Bonn et qui a découvert que le jeune Beethoven était un petit génie, qu'il fallait l'encourager parce que c'était un futur Mozart. Donc il se destine d'abord au piano. Et quand est-ce qu'il commence vraiment à composer? Alors il se destine au piano, mais il là, il y a une espèce de... C'est en même temps qu'il apprend la composition, comme le dit son maître Neff en 1782. C'est-à-dire que Beethoven avait 10-12 ans et il lui a donné le clavier bien tempéré, qu'il sait jouer très très bien. De Bach. De Bach, bien sûr, excusez-moi. De Bach, qui sait jouer parfaitement, alors que c'est très difficile, et qu'il est aussi une espèce de livret de compo, enfin, pour apprendre à composer. En 1792, il y a un compositeur qui passe à Bonn, c'est un certain Joseph Haydn, qui fut le maître de Mozart et qui est impressionné par son jeu et invite le jeune Beethoven à venir étudier avec lui à Vienne. Et c'est là qu'il part pour Vienne. Oui, c'est là qu'il part pour Vienne. Alors, il y a eu la circonstance du voyage de Haydn et puis aussi les proches du prince électeur qui ont dit il faut encourager. Et c'était une pratique à l'époque de faire aller les bons éléments dans les villes qui correspondaient. Beethoven avait des copains qui étaient peintres et qui ont été envoyés à Vienne, à Rome. Oui. Et lui, il a été envoyé à Vienne pour parfaire sa formation. Qu'est-ce que représente Vienne justement à cette époque-là, à la fin du XVIIIe siècle? Vienne, c'est la capitale du Saint-Empire romain germain. C'est là où réside la famille impériale et c'est la capitale de la musique. Ah oui, c'est la ville de Mozart où il réussit à s'implanter et à devenir musicien indépendant. Il a su être dans les salons, se faire remarquer dans des concerts. Les éditeurs aussi qui sont importants, donc c'est une ville en pleine effervescence artistique et qui est encouragée par l'empereur Joseph II. Donc à la fin des années 1790, Beethoven compose ses premiers chefs-d'œuvre, les premières sonates pour piano, pour violon, ses premiers concertos aussi pour piano et ses deux premières symphonies. Qu'est-ce qui caractérise déjà la musique de Beethoven? Il est jeune encore. Et une fougue. Une fougue et une volonté d'épater, j'allais dire, mais surtout pour exprimer des sentiments. C'est quelque chose de nouveau. Et oui. C'est déjà un romantique. Oui, alors on dit romantique, moi j'aime pas ce terme-là, c'est Beethoven. Il fait partie de ce mouvement qui valorise la musique sérieuse. Et il va donc faire comprendre que composer et jouer de la musique, c'est pas du tout seulement pour le divertissement, que c'est quelque chose qui importe et qui vous apporte un message. Quelque chose qui est lié à l'âme. Oui, lié à l'âme, lié à l'édification dans le sens de Bach. En 1800, donc, Beethoven est reconnu à Vienne comme virtuose et comme compositeur, une renommée d'ailleurs qui dépasse même l'Autriche. 1802 va donc être un tournant dans sa vie. Elisabeth Brisson, je propose que nous reprenions tout à l'heure cette discussion, tout de suite. Ludwig van Beethoven, un compositeur de génie face à la surdité, un texte de Jean-Baptiste Sabiani, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisation Juliette Eman. Bon, cette démarche. Tous les médecins sont des ânes. Pourtant, je crois à la science, je crois au progrès. Mais aucun ne parvient à me guérir, ni même à me rendre la vie supportable. Le succès arrive. Vienne commence à me comprendre. Je lui imposerai la révolution que je porte en moi. Mais non. Ces maladies qui me rongent m'empêcheront d'y arriver. La promesse de succès m'anéantit. Si ce rendez-vous ne donne rien, tout sera fini. Vienne, janvier 1802. Ludwig van Beethoven, venu y tenter sa chance 6 ans plus tôt comme pianiste virtuose, rencontre enfin, en tant que compositeur, la faveur de l'impitoyable public viennois. Pourtant, cet homme d'une énergie exceptionnelle, fortement bâti, aux épaules larges, à la chevelure rebelle, épaisse comme des lianes et noire comme le charbon, est seul face à des maux qui le dévorent de l'intérieur et auxquels les médecins qu'il a jusqu'alors consultés ne peuvent rien. Asseyez-vous, monsieur Beethoven, je vous en prie. Avant toute chose, professeur Schmidt, je dois m'assurer que cette discussion restera totalement confidentielle. C'est l'usage en médecine. Peut-être, mais je suis au courant des mots de la moitié de la ville. J'insiste. Je veux que son contenu reste complètement secret. Je vous comprends, monsieur. Je sais quel grand pianiste vous êtes et qu'à Vienne, les réputations importent plus qu'ailleurs. Je suis surtout compositeur, professeur. Mon activité ne me permet plus d'aller au concert. Je suis désolé si je vous ai blessé. Peu importe. Quel mal vous amène à moi ? Excusez ma rudesse. Mais c'est vrai, je souffre du ventre de façon très aiguë. Ouvrez vos vêtements. Permettez. Vous avez de fortes coliques, c'est ça ? Oui. Vous avez déjà consulté ? Des ânes. On m'a prescrit des potions de grand-mère, des bains froids, que sais-je. Rien n'y fait. Des personnes de votre famille souffrent ou ont souffert de tels maux ? Seuls deux de mes frères sont devenus adultes. Non, ils ne connaissent rien de comparable. Vos parents ? C'est délicat. Ma mère a attrapé la tuberculose très jeune et en est morte. Mon père était alcoolique, donc son ventre. Oui, bien sûr. Mais personne ne peut rien pour mon cas. Vous vous trompez, je peux vous soulager. Je l'ai fait avec d'autres patients. Vraiment ? Les bains froids n'étaient pas une idée très heureuse. En revanche, les bains tièdes du Danube, augmentés d'un tonifiant que je vais vous faire fabriquer, devraient être efficaces dans un premier temps. Rapidement ? Assez. Vous reviendrez dans 2 semaines. Si, comme je le pense, vous allez mieux, je traiterai alors votre estomac. Pas besoin de chirurgie ? Non. C'est une belle surprise. Mais il y a autre chose. Je suis sourd. Je ne pense pas, puisque vous me comprenez et me répondez. Expliquez-moi. Je vous entends car vous parlez suffisamment fort dans une pièce silencieuse. Si l'on me parle bas, j'entends à peine. Et rien que les sons, pas les mots. Et dès qu'on crie, c'est insupportable. Depuis combien de temps ? Les premiers symptômes sont apparus il y a plus de 5 ans. Et ils sont devenus inquiétants il y a 2 ans environ. Vous pouvez me les décrire ? J'entends des sifflements, des bourdonnements, d'autres sons désagréables et persistants pendant de longues périodes. J'ai perdu la capacité d'entendre les plus hautes notes, et le moindre bruit intense me fait souffrir et m'est insupportable. Les sifflements ne sont pas permanents ? Non, mais de plus en plus fréquents, et leur durée augmente. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Merci. C'est sans espoir. Monsieur Beethoven, vous êtes un homme dans la force de l'âge, d'une grande robustesse. Je vous ai vu en concert il y a quelques années. Votre énergie m'avait impressionné, autant que vos improvisations inspirées et d'une fougue peu commune. Ma fougue m'aurait fait perdre Louis. Au contraire. Avec la science, elle est votre principal allié. Vous dissimulez votre mal depuis des années. Cette force de caractère me donne bon espoir. Nous allons d'abord traiter vos douleurs abdominales. Quand vous irez mieux, très vite, dans 2 semaines, je vous l'ai dit, nous traiterons à la fois votre estomac et vos problèmes d'audition. Vous pensez sincèrement que vous pouvez m'aider ? Ce serait pour moi un accomplissement. À dans 2 semaines, monsieur Beethoven. Tout ira bien. Du héros. Voilà un autre sujet auquel la Révolution française aura donné l'importance qu'elle mérite. J'espère que cette marche funèbre l'exprime parfaitement. Ce héros, c'est ce que j'aurais pu être sans cette maladie. Admettons que le traitement du professeur Schmidt soulage mon ventre, mais pas mes douleurs auditives. Cette procession, c'est le voyage de Beethoven qui s'isole du monde et de ses amis, car il ne les entend plus. Cette musique est achevée, et les éditeurs se battront pour que je la leur donne. Et le final sera un feu d'artifice. Oui, ce final que j'aime tant. Ludwig, ce sera un triomphe. Ouvrez ! Ouvrez ! Au nom de la faculté ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mon très cher Wegeler, tu es à Vienne. Alors, Beethoven, toujours l'esprit ailleurs. Quoi ? Ça fait une éternité que je frappe. Prends-moi dans tes bras. Ah ! Comment tu dis déjà ? Ah oui, je ne vis que dans mes notes. C'était très beau ce que tu jouais. C'est de toi ? Oui, une nouvelle sonate. Ça marche bien ? J'ai plus de commandes que je ne peux en honorer. Je fixe mon prix aux éditeurs. Et ça rapporte. Il le faut. Comme je ne veux plus jouer de piano en société, j'ai besoin de ces revenus. Ils disent que mon attitude est liée à ma mauvaise éducation, mais je n'en ai rien à faire. Ton éducation n'y est pour rien. C'est ton caractère de cochon. Au moins, grâce à lui, j'ai des amis fidèles comme toi. En tout cas, tu as enfin de l'humour. Tu vas bien, on dirait. Tu es allé voir le professeur Schmitt ? Il y a 10 jours. Merci de m'avoir recommandé, mon ami. Grâce à lui, mes douleurs ont diminué. Et il va commencer à traiter mes problèmes d'estomac. Il est très fort. Dis-moi plutôt ce que tu fais ici. Tu t'es fait renvoyer de la faculté de Bonn ? Il n'y a pas de place pour un médecin comme toi ici. Vienne ne se donne qu'au meilleur. Ah, Ludwig, je passe juste la journée ici. Et j'en profite pour t'annoncer qu'Éléonore et moi allons nous marier. Mon ami, embrasse-moi. Je suis si heureux. Tu n'es pas jaloux ? Je te vole ton premier amour. Je te rappelle que j'avais 12 ans et elle 10. Mes chers amis, quelle joie. Oui, c'est merveilleux. Et toi, tu ne te maries pas ? Bien, allons dans un bon café. Ta présence est au moins l'occasion pour moi d'aller un peu dans le monde. Suis-moi. Malgré la défaite récente contre Bonaparte et le caractère autoritaire et policier du régime, Vienne est à l'orée du XIXe siècle une ville dont la gaieté enchante tous ses visiteurs. Elle regorge de jongleurs, d'acteurs des rues et de spectacles de marionnettes. Les nombreux théâtres offrent tous les divertissements imaginables. Les gens de toutes conditions flânent et se rencontrent sur les remparts ou au Prater. Les salles de bal mêlent toutes les classes sociales. Pour Beethoven, la présence de son cher Franz Wegeler est l'occasion de renouer avec une sociabilité dont ses problèmes auditifs l'éloignent chaque jour davantage. Tu m'emmènes pas dans un endroit à cocotte, au moins. Je vais me marier, moi. Arrête, tu sais très bien que ces créatures me révulsent. Eh oh, laisse aller. Tu sais bien que je plaisante. Tant mieux, asseyons-nous là. Ah, la douce vie de Vienne. Tu as bien fait de quitter Bonn, cette ville factice, mondaine, médiocre. Tu comptes y retourner ? Non, naturellement. En revanche, je me verrai bien à Paris. C'est une plaisanterie. Tu sais, les Français ont créé un conservatoire de musique. Plus d'une centaine de professeurs, des centaines d'élèves, les meilleurs à chaque fois. La musique est jouée aux quatre coins du pays. Et on n'y a pas peur de la nouveauté, contrairement à ici. Mais ils n'ont ni Mozart, ni Haydn. Mozart est allé à Paris. Et puis Haydn... Vous êtes fâché ? Non. Non, il m'a beaucoup appris ici pendant un an. Mais il refuse la nouveauté. Même je te dirais que comme compositeur, il me brime. Il sait que je veux emprunter de nouveaux chemins qui ne correspondent pas à sa conception de la musique. Brillante, certes, mais figée. Au moins, il ne se jette pas dans les bras de notre ami Bonaparte. Il vient de recevoir une médaille à Paris pour son oratorio, La Création. Très réussi, d'ailleurs. Et puis Bonaparte perpétue les idéaux des Lumières, ceux qui nous habitent depuis nos jeunes années. La fraternité, Franz, la liberté d'expression, la justice sociale, le progrès. Tu as toujours la fibre républicaine, mais tu parles de notre ennemi. Alors, dis-le un peu moins fort. Tu sais très bien, mon patriotisme est au-dessus de tout soupçon. Tiens, un confrère à toi. Il va nous jouer du Beethoven, tu crois ? Bien, on s'en va. Ah non. Des pâtisseries, s'il vous plaît. Et deux chocolats pour nous. Merci. Je connais ça. C'est quoi ? C'est de Mozart. Sa grande sonate en ut mineur. Quel cadeau du ciel d'avoir une oreille comme la tienne. Je ne pense pas. Ah si. Reconnaître les sons infailliblement, sur le plan physiologique, c'est fascinant. Franz. En tant que physicien, pour toi c'est banal. Je suis sourd. Qu'est-ce que tu veux dire ? Merci. Quand je vais au théâtre, si je ne suis pas tout près, je n'entends pas ce que disent les acteurs. Je n'entends pas les sons élevés des instruments et des voix, si je suis un peu loin. Mais personne ne s'en rend compte. Dans la conversation jusqu'ici, les gens sont comme toi, ils mettent mes absences sur le compte de ma tendance à avoir l'esprit ailleurs. Et ça empire, tous les jours. Mais c'est terrible. Depuis 2 ans, à cause de ce mal, j'évite tout contact humain. Je ne peux pas dire que je suis sourd. Si j'avais un autre métier, pourquoi pas, mais avec le mien, Franz. On va trouver une solution. Franz, je voulais créer une musique inouïe. Aller sur un nouveau chemin. Revendiquer une place auprès de Mozart et Haydn. Et j'ai l'oreille aussi fine qu'un artilleur exposé toute sa vie au son du canon. Tu n'es pas sourd. Tu as des problèmes d'audition. Que t'a dit Schmitt ? Tu lui en as parlé, hein ? Je lui ai dit que je maudissais le créateur et mon existence misérable, que j'étais résigné, et que si c'était possible, je voulais braver mon destin. Il y a de nouveaux outils, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Schmitt les connaît toutes. Il trouvera celles qui te guériront. Oui, les médecins, vous êtes optimistes pour vos malades. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Ludwig, tu entends ces notes de Mozart. Et tu entends celles que tu crées dans ton esprit. Schmitt va t'aider. Et tu vas nous donner tout ce qui naîtra en toi. Non, Franz. C'est fini. Ma vie est finie. Toi, tu dis ça ? Toi, qui es prêt à jeter un défi au monde entier ? Je préjugeais de mes forces. Je ne peux rien contre mon destin. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Beethoven. Est-ce que vous vous sentez mieux ? Je crois que vos bains font du bien à mon ventre. Bien ? Et vos oreilles ? Des changements ? Pour être honnête, les bourdonnements et les sifflements ont peut-être un peu diminué, surtout à gauche. Ah. Pas de triomphalisme. Mon ouïe ne s'est en rien améliorée. Je me demande même si elle n'a pas continué à faiblir. Regardons vos oreilles. Ouvrez la bouche. Vous sentez-vous bien à Vienne ? C'est un repère de canailles. Peu de gens me comprennent. Vous savez, professeur, cette ville me rend morose. Aimez-vous la campagne ? On peut même dire que je lui voue un culte. Depuis que mes revenus me le permettent, j'ai décidé d'y prendre pension chaque été. Parfait. Serait-il envisageable que vous prolongiez votre séjour cette année et que vous partiez dès que possible ? Pourquoi cela ? Le calme de la campagne serait profitable à votre oreille. Vous devez continuer les bains ainsi que le tonifiant que je vous ai prescrit. Vous prendrez également des pilules pour votre estomac. Enfin, vous prendrez une infusion pour l'oreille. Si les sifflements commencent à diminuer, il est probable que nous soyons sur le bon chemin. Quitter la ville quelque temps me ferait sûrement du bien, vous avez raison. Le temps de régler quelques affaires, je pense pouvoir partir fin avril. C'est parfait. C'est le moment où la nature se réveille. Vous pourrez en profiter pleinement. Vous pensez que je peux aller encore mieux ? Bien entendu. Vous êtes un patient très prometteur. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous raccompagne. Je sais que j'ai une réputation de misanthrope, d'ours mal léché, voire mal élevé. Mais je sais être reconnaissant. Professeur, je vous remercie de tout faire pour m'aider à retrouver mon audition. Mon art ne pourra vous faire retrouver votre ouïe, maître Beethoven. Mais si j'arrive à vous faire oublier vos désagréments pour que vous puissiez exercer le vôtre, j'aurai accompli ma tâche. Beethoven prépare sa villégiature. Pendant ce temps, il continue de recevoir les quelques élèves auxquels il a accepté d'enseigner son art. Parmi eux, la comtesse Giulietta Guicciardi, âgée de 16 ans, la moitié de son âge, pour laquelle il éprouve un penchant très fort depuis déjà de longs mois. Non, Giulietta, reprenez. Le début était correct, mais là, c'est complètement raté. Allez-y. Et sans mauvaise humeur, s'il vous plaît. Arrêtez. C'est encore moins bien. C'est terrible. C'est par amitié pour votre mère et votre tante que je vous donne des cours, Giulietta. Si cela ne vous plaît pas... Ma mère et ma tante. Vous n'aimez pas les moments que nous passons ensemble? Je les aimerais encore plus si vous travailliez correctement votre piano. Vous êtes d'un sérieux. Je ne vous parlais pas de ça et vous le savez très bien. Et puis ça me barbe, votre vieille sonate de Pepe Haydn. Je vous ai choisi exprès la dernière qu'il a composée. Elle a à peine un an. Vous qui aimez tant la mode, il n'y a pas plus à la mode. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à la fête organisée par mes parents? J'étais occupée. Vous auriez dû venir? J'avais une nouvelle robe, blanche, et par-dessus une étole rouge qui s'accordait parfaitement avec le rose de mes joues. Les hommes me dévoraient des yeux. Je n'en doute pas. Ils se battaient pour m'inviter à danser. Wenzel von Gallenberg était particulièrement assidu. Vous ne dansez pas, vous? Non, moi je compose. Je laisse ces loisirs superficiels aux jeunes crétins inconséquents comme Gallenberg, le pire musicien que j'ai entendu de ma vie. Je vous ai vexée ou quoi? Giulietta, pourquoi me torturer? Qui? Moi? Pourquoi me raconter ces histoires de succès auprès d'hommes sans intérêt quand moi je vous offre mon cœur et mon art? Il fallait venir à la fête. J'étais chez moi. Quel ennui! Je pensais à vous. Au lieu de venir me voir? La belle affaire! Ne serait-ce pas le comportement d'un idiot? Un idiot? Vous allez me dire, j'ai composé cela pendant que vous dansiez. Vous venez de le composer? Oui. Pendant que je dansais? Oui. Et vous pensiez à moi? Peut-être. Cette musique est inouïe. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Je vous l'offre, cette musique. Comment ça? Je vous dédierai cette sonate. Quel honneur! Du plus profond de mon cœur. Ça vaut bien un baiser? Plus. Mais comment enfin? Vous êtes tout rouge, vous qui déjà n'êtes pas très beau. Il serait temps que vous partiez. Vous êtes encore vexé. Je vais quitter Vienne pour quelques semaines, sûrement jusqu'à la fin de l'été. Merci d'en informer votre mère et vos cousines. Une amourette vous éloigne de la ville, peut-être? Non, madame, mais je souffre quand on se joue de moi et de mes sentiments. Au revoir. Eh bien, à bientôt alors. Pourquoi suis-je incapable de trouver une femme à la hauteur de la conduite exemplaire que j'essaie moi-même de suivre? Les bourdonnements reprennent. Il est temps que je parte. Ah, ce doit être Ferdinand. Bonjour, maître. Comment vas-tu? As-tu des nouvelles de ton père? Il va bien, et vous transmet ses amitiés. Il a suffisamment d'élèves, à Bonne? Il gagne assez d'argent? Il ne se plaint pas. C'est dur d'être professeur de violon. S'il a besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Je compose beaucoup en ce moment, mes revenus sont très confortables et je ne supporte pas de savoir un ami dans la gêne. Je compte sur toi, Ferdinand. Bien, maître. Allez, montre-moi tes progrès. Toujours pas de regret d'avoir choisi ma sonate pathétique comme exercice ? Vous me direz, maître. C'est beaucoup mieux. Attention à l'articulation. Gracieux, mais aussi un peu mélancolique. Voilà. Comme cela. Deux ans que j'ai composé cette sonate. Elle me paraît si loin. Elle est déjà symphonique. Au moins autant que ma deuxième symphonie, que je viens de terminer. C'est un domaine où, là aussi, je peux trouver de nouveaux chemins. Maintenant, tu joues parfaitement cette sonate. Nous n'allons pas nous voir pendant un certain temps. Je pars à Heiligenstadt, je reviendrai après l'été. Pratique tous les jours ton instrument. 4 mois sans vous voir ? Mais c'est impossible. Eh bien, tu n'es pas content d'avoir des vacances. Mais pourquoi si longtemps ? Il y a un problème ? Pourquoi veux-tu qu'il y ait un problème ? Nous nous reverrons à mon retour. Heiligenstadt, ce n'est pas loin. Je pourrais venir vous voir ? Ça me ferait tellement plaisir, s'il vous plaît, maître. Si un jour j'ai la chance d'avoir un fils, j'aimerais qu'il te ressemble. Entendu. Viens me voir. À la fin du mois d'avril 1802, Beethoven quitte donc Vienne. Il se fixe dans une petite maison à l'écart du village calme de Heiligenstadt, sur le Danube, à 1 heure au nord de la capitale autrichienne. Devant ses fenêtres s'étend toute la vallée du Danube jusqu'au pied des Carpates. Il profite chaque jour du spectacle éblouissant de la nature qui arrive parfois à lui faire oublier ses acouphènes, toujours aussi fréquents et intenses, et à stimuler sa formidable créativité. Ici, chaque arbre me fait entendre sa voix. Enchantement de la forêt. Comme j'aime errer dans les taillis, parmi les arbres, les herbes, les rochers. Personne ne saurait aimer la campagne autant que moi. Voilà qui restitue le trot du cheval passé sous mes fenêtres. Pour comprendre cette œuvre, lisez La Tempête de Shakespeare. Mais on se demandera quelle tempête elle évoque. Est-ce celle qui souffle dans mon esprit et m'amène à ses audaces ? Terminé, la soumission à la forme des maîtres du passé. Ce qui importe, c'est l'expression, et de lui trouver une forme singulière. L'individu qui s'affirme, le créateur qui entend les notes en lui, la peinture des sentiments. Et ces dernières notes qui demandent si je vais pouvoir vivre. Le jeune Ferdinand m'a annoncé sa venue demain. Dissimuler mon infirmité est pénible, mais je suis heureux qu'il vienne passer une journée avec moi. Je comprends que vous ne souhaitiez plus revenir à Vienne. Ce paysage éternel me donne des idées pour ma 3e symphonie. Vous avez des confrères jusqu'ici ? Des confrères ? Oui, enfin, quelqu'un qui joue de la musique, à son niveau. Non, il n'y a personne. Vous êtes bien sévère, c'est assez joli. Mais de quoi parles-tu à la fin ? Qu'est-ce que c'est que ces mystères ? Excusez-moi, je parlais juste du berger. Ah, lui ? Qu'est-ce qu'il tient dans sa bouche ? Ce doit être une flûte de sureau. Oui, bien sûr. Oui, c'est assez joli. Ça y est, on ne l'entend plus. C'est vraiment, vraiment un endroit délicieux. Je n'étais jamais venu à Heiligenstadt. Tu ne l'entends plus, le berger ? Ah non, plus du tout. Je te prierai de garder pour toi ce secret que je ne peux confier à personne. Vous pouvez me faire confiance. Tu as compris que je n'entendais plus certaines notes. Essaie de m'épargner la honte et le ridicule, le sourd qui veut inventer une nouvelle musique. C'est un terrible coup du sort, maître. Mais vous aviez déjà cette particularité quand vous avez composé la sonate qui évoque la tempête de Shakespeare. Et même la pathétique que tu aimes tant. Ça ne vous empêche pas de composer. Une musique aussi nouvelle en plus. Non, c'est surprenant, mais non. Alors vous êtes un plus grand génie encore que je ne croyais. C'est bientôt fini pour moi. La surdité va croître inexorablement. Pour l'instant, je m'en arrange, mais connaît-on un compositeur sourd ? Un seul en est capable, et c'est vous. Comme le disait le comte Waldstein en arrivant à Vienne, vous avez reçu l'esprit de Mozart des mains de Haydn. Vos œuvres pour piano et vos quatuors de l'opus 18 montrent déjà un nouveau chemin. Et cette troisième symphonie ? La symphonie du héros, je n'arriverai pas à la composer. Je suis certain que si. Comment commence-t-elle ? Par deux accords fortissimo de mi bémol joués par tout l'orchestre, comme ça. Et puis... Non, je ne veux pas en parler. Viens, il y a un autre endroit remarquable. Et n'évoque plus jamais devant moi cette symphonie, ni mon ouïe. À Heiligenstadt, Beethoven reste à l'écart de tous, et l'été fini, il décide de ne pas rentrer à Vienne comme il en a l'habitude. Complètement isolé, seul en lui-même, il passe sans arrêt d'un sentiment de grande exaltation à un état de désespoir complet, avec un degré de violence de plus en plus intense. Seule la composition parvient à interrompre ces moments de désespoir. Lors d'une crise plus forte que les autres, avec le besoin impérieux de mettre fin au conflit qui le ronge, il prend la plume pour adresser un document définitif à ses frères Karl et Johann le 6 octobre 1802. Ô vous, mes frères qui pensez que je suis un être malveillant, entêté ou misanthrope, comme vous êtes injuste. Vous ignorez que je suis frappé depuis 6 ans d'un mal terrible que des médecins incapables ont aggravé. Comment avouer la faiblesse d'un sens qui chez moi devait être poussé jusqu'à la perfection et que je possédais autrefois comme peu de musiciens l'ont jamais connu. C'est à la vertu et à mon art que je dois de n'avoir pas mis fin à ma vie par le suicide. Il me semblait impossible de quitter ce monde avant d'avoir donné tout ce que je sentais germer en moi. J'ai prolongé ainsi cette vie misérable, vraiment misérable. J'espère tenir dans ma résolution de supporter ce mal, jusqu'à ce qu'il plaise aux parcs impitoyables de rompre le fil. Alors avec joie, j'irai au-devant de la mort. Ne me délivrera-t-elle pas d'un état de souffrance sans fin ? Adieu. Et ne m'oubliez pas tout à fait dans la mort. Vous me le devez bien, car dans ma vie... J'ai souvent pensé à vous et à vous rendre heureux. Soyez-le. Heiligenstadt, 6 octobre 1802. Ludwig van Beethoven. Beethoven n'enverra jamais cette lettre à ses frères. On la trouvera seulement après sa mort. Connue depuis comme le testament de Heiligenstadt, elle révèle le désespoir que le compositeur a dû surmonter. Elle illustre aussi sa force surhumaine, source de sa période héroïque, dont sa troisième symphonie, qu'il appellera lui-même « Symphonie héroïque », est un des symboles. Quatre mesures du premier thème, énergique et solennel, sera le cœur du premier mouvement. Je donnerai à ce mouvement une ampleur jusqu'ici inconnue, ainsi qu'à toute la symphonie et à toute mon œuvre. Peut-être la perte de mon ouïe permettra-t-elle l'accomplissement de mon ambition créatrice. Pour l'heure, célébrons le héros. Ludwig van Beethoven, un compositeur de génie face à la surdité de Jean-Baptiste Sabiani, Beethoven, Éric Chalier, le professeur Schmitt, Laurent Claret, Franz Wegeler, Laurent Ménoret, Giulietta Guicciardi, Pauline Hautepin, Ferdinand Irone Picard, le pianiste Adrien Polycarpe et les voix de Stéphane Mezziani, Valérie Even, Léonard Bertrand et Sybille de Montigny. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Antoine Viossa et Mathieu Tourin, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Juliette Eman. Dans quelques minutes, je reprends la discussion sur Beethoven avec mon invitée Elisabeth Brisson. Wanted Darker de Leonard Cohen sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Alix Barrois. Elisabeth Brisson, nous avons donc quitté Beethoven, 32 ans, et alors qu'il vient d'écrire ce testament dit de Heiligenstadt. Quel texte bouleversant, celui d'un homme qui souffre, qui est seul aussi. Est-ce qu'on sait s'il a tenté de mettre fin à ses jours? Il le dit, mais il n'y a pas de preuves autres que on a ce qu'il dit. Texte. Oui. Oui, et puis il faut dire qu'on est dans une période où Werther s'est beaucoup suicidé. Werther, donc le personnage de Goethe. De Goethe, oui. Donc c'était très à la mode de parler de suicide. Vous prenez ça très à la rigolade, hein, Elisabeth Brisson. Connaît-on aujourd'hui tout de même les causes de cette surdité ? Non. Non, on ne connaît pas. Il est même si on a déterré 3 fois son crâne pour essayer de voir ce qu'il y avait dedans. Non, il y a des médecins qui croient savoir, mais en fait, on n'en sait rien. On sait absolument pas. Non, ça se détériore. Ce qui semble incroyable, Elisabeth Brisson, c'est qu'au milieu de ce désespoir, Beethoven va composer sa 3e symphonie, et ce ne sera pas la dernière, puisqu'évidemment on connaît la 9e. On a du mal à comprendre comment un musicien sourd peut composer. Est-ce qu'un musicien d'un tel niveau peut entendre dans sa tête la musique sans l'entendre avec ses oreilles ? Oui, bien sûr. Il a été formé à la musique, et pour lui, la musique, c'est quelque chose qui l'entend en lui, ça, il n'y a pas de doute, mais il fabrique des nouveaux sons aussi. C'est ça qui est... C'est-à-dire que il va fabriquer par la rencontre de timbres, par exemple, et puis par la rencontre d'accords, il va fabriquer quelque chose d'inouï. Et ce qui était inouï, il va pouvoir le contrôler encore quand il écoute. Par exemple, vous parliez de la symphonie héroïque, elle va être donnée dans les salons. Dans un salon de Vienne. Elle est créée en 1805. Oui, ouais. Mais avant, elle avait été déjà donnée. Et en sortant de l'exécution, il va corriger des choses. Il en avait besoin à ce moment-là. Mais après, il a plus de maîtrise de composition et il ose faire des rencontres extraordinaires, des rencontres sonores. Des rencontres d'instruments, c'est ça, d'accords. Oui, d'accords qui vont au-delà des règles de l'harmonie. De l'époque, oui, c'est ça. Ouais. Par exemple, la Grande Fugue, qui termine un de ses derniers quatuors, qui va être publié séparément aussi, et qui est, les musicologues actuels, ils comprennent pas encore comment elle est faite. Hein. Ah oui. Et c'est quelque chose qui est très très dissonant. C'est une musique extrêmement complexe, notamment à la fin de sa vie. Oui. Est-ce que cette surdité, paradoxalement, n'a pas poussé Beethoven plus loin dans son écriture musicale, bizarrement ? Oui, Goethe avait déjà remarqué que Beethoven n'était pas gêné pour la composition, mais pour la vie sociale, par sa surdité. Et effectivement, il entendait et il a osé, comme je disais tout à l'heure, faire des combinaisons, des combinatoires. Des sons qui frottent. Et c'est vraiment... Alors là, il est bien l'héritier de Bach, avec l'importance du processus de composition. Alors cette 3e symphonie, il l'appelle héroïque. Pourquoi il l'appelle héroïque ? C'est son propre héroïsme, l'héroïsme de l'artiste, ou c'est l'héroïsme de Bonaparte ? Le héros de la Révolution française qui va se transformer en empereur. C'est toute l'histoire de quand il est arrivé à Vienne, etc. Et ensuite, il a été très déçu par le public viennois qui n'était pas suffisamment ouvert, comme c'est dit dans la fiction. Mm-hmm. Donc, il a eu envie d'aller à Paris. Il fallait qu'il compose quelque chose qui était pour les oreilles des Parisiens. Donc, il a donc composé cette symphonie qui était, alors qu'il voulait appeler Bonaparte, comme Haydn a appelé des symphonies par le nom de quelqu'un, ou bien la dédier à Bonaparte. Et parce qu'il espérait comme ça être remarqué à Paris par le premier consul et pouvoir être un musicien officiel. Oui. Et finalement, il va changer ce nom. Alors, et finalement, il faut pas oublier que en 1804, le héros de la Révolution se transforme en empereur. Oui, oui, qu'il y a surtout la guerre. Oui. Donc il peut plus, quand même, s'il veut rester en Autriche, enfin c'est plus Saint-Empire qui se délite, mais s'il veut rester là où il est, il peut pas honorer un ennemi. Oui, c'est ça, donc ouais. Il va transformer ça en symphonie qui est pour les héros. Ouais. Donc après ce désespoir, cette page de désespoir en 1802, la symphonie héroïque donc ouvre une nouvelle époque. Beethoven reprend goût à la vie, on peut dire, et se remet à composer. Il va même composer un opéra, ce sera le seul opéra de son œuvre, un opéra magnifique, Fidelio. Il ne s'est pas arrêté de composer. Hein. Ah ben non, ça a été une période peut-être un peu de difficulté en tout cas. Oui. Et c'est à cette époque aussi qu'il affirme son indépendance artistique, car il faut rappeler quand même qu'au XVIIIe siècle, les musiciens, comme les écrivains d'ailleurs, sont des courtisans, et pour vivre, ils doivent dépendre du bon vouloir d'un protecteur, que ce soit un prince, un ecclésiastique, un roi. Et Beethoven, lui, va tout faire pour s'en affranchir. Il bénéficie tout de même de l'exemple de Mozart. Oui. Hein, et deux, donc, dans de ce climat à Vienne, qui accueillait des musiciens freelance, on va dire, comme Mozart, ouais, qui était libre. Et Beethoven va faire sa vie avec, en étant demandé dans les salons, en ayant... Il gagne sa vie en jouant et en composant. En jouant, en donnant des leçons, sans doute, mais oui, c'est aussi pas documenté, comme on dit maintenant. Oui, oui, oui. Donc, il on gagne pas ça. Et surtout, comme il va composer, il vend, il est très, très, comme il appelle ça, sa politique musicale. Mm-hmm. Il vend ses œuvres et il est très très soucieux d'avoir une rentabilité financière par la vente de ses œuvres. Ses frères aussi aident à placer ses œuvres. Mm-hmm, il contacte beaucoup d'éditeurs, il les met en concurrence. Enfin bon, il fait de la com. Ouais. Oui, un homme d'affaires là, qui confie d'ailleurs souvent à ses frères ou à Ferdinand. Ferdinand. Oui, parce que lui, il n'a pas trop le temps de s'en occuper, mais il est soucieux de cela. Alors, cette indépendance, en fait, c'est un petit peu fictif là, parce qu'il rêve d'être maître de chapelle. Ah oui, il aimerait avoir un poste. Il aimerait avoir un poste. Il a essayé plusieurs fois d'être directeur aussi des théâtres, mais jamais personne n'en a voulu parce que sans doute il était trop débordant. Il y a un épisode assez connu en 1806, alors que le prince Lichnowsky veut l'obliger à jouer du piano devant des officiers français. Beethoven lui aurait répondu « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi-même. Des princes, il y en a eu et il y en aura encore des milliers, mais il n'y a qu'un seul Beethoven. » Ah, est-ce que c'est vrai cette histoire? C'est la légende, le mythe. Vraisemblablement, il a dû y avoir un différend avec le prince Lichnowsky, hein, mais ça a été rapporté dans les années 1870 par le petit-fils du médecin qui a dit qu'il aurait dit ça. D'accord. Hein. Alors ça a été vraiment reconstitué avec une idéologie beethovenienne, sans doute, comme ça qu'on le percevait. Beethoven est un homme des Lumières, c'est important pour lui. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait, aussi, à la fois comme artiste et comme politiquement aussi? Il considère qu'il a une mission sur Terre? Oui. Alors là, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il se prend pour un nouveau Moïse. Dire qu'il a vraiment quelque chose de divin, tout en étant un homme des Lumières. Oui, c'est ça. Mais apporter, justement, l'humain plutôt que le divin. Oui. Et cette dimension humaine dans la vie par sa musique. Sa musique est une musique à offrir à l'humanité. Oui, c'était une façon de se libérer, d'accéder, alors on va dire, pour parler rapidement, à la joie. Sans que ce soit une mystique, mais pour lui, c'est le développement, et c'est ça qui est très fort chez lui, c'est le développement de toute cette capacité humaine, et pas divine justement, de trouver un sens à la vie, c'est très goethéen aussi, de dire oui à la vie. Et ce que Nietzsche va reprendre quelque part, c'est on dit oui à la vie. J'ai dit en début d'émission, de son vivant, Beethoven fait l'objet d'un véritable culte et à sa mort, il aura droit à des funérailles grandioses et sa postérité, le compositeur Franz Liszt écrira « Le nom de Beethoven est un nom consacré dans l'art ». Alors oui, c'est ceux qui l'ont suivi qui vont le sanctifier. Mais lui, il considérait pas qu'il était. Non, il n'était pas. Divin. Même s'il a recopié une citation de lettres inconnues, d'où procède le monde et d'où procède l'humanité. Merci beaucoup, Elisabeth Brisson. De vous, on peut lire la biographie de Beethoven, publiée chez Ellipse en 2016, Ludwig van Beethoven chez Fayard en 2004, ainsi que Beethoven et après, coécrit avec Bernard Fournier et François Gildas Tual, publié chez Fayard en 2020. Et on peut également consulter votre site, très intéressant, très riche, elisabeth-brisson.com. C'est la fin pour aujourd'hui d'Autant n'emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur le site radiofrance.fr où, comme toujours, j'attends avec plaisir vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous resterons au XVIIIe siècle avec un homme qui lui aussi s'est battu pour son indépendance, Voltaire. En 1762, le vieux philosophe coule des jours tranquilles à cultiver son jardin dans sa maison près de Genève, lorsqu'il est soudain interpellé par une affaire, l'affaire Calas, celle d'un protestant, Jean Calas, injustement condamné à mort. Voltaire va se jeter dans la mêlée pour faire triompher la vérité et la tolérance. Voltaire et l'affaire Calas, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter.